Fil islam, indana idan. En islam, on a uniquement deux fêtes. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, la fête du sacrifice et la fête du ramadan. Bi amrin min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci depuis l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a montré comment il faut faire et comme quoi il faut célébrer. C'était lui le premier qui a célébré pour nous ces deux fêtes. Wa Eid Noël, laysa min a'yad al-Islam. La fête de Noël ne fait pas partie des fêtes musulmanes. Shira al-Shajara, tabadul al-Hadaya, fi 25 décembre, ila ghayr dhalik. Laysu min a'mal al-Muslimin wa al-Islam. Le fait d'acheter un arbre, le fait de s'échanger des cadeaux le 25 décembre, tout ça ne fait pas partie des œuvres de l'islam. Turid an tahtafil bi milad Isa alayhi salam. Tu veux célébrer, mon frère ou ma sœur, la nativité de Jésus, prière et sur lui. Iqra ghadan sourate Al-Imran wa sourate Maryam. Lis demain les deux chapitres coraniques, la famille d'Imran, qui parle de la naissance de Jésus, et le chapitre de Marie. Amma an taf'ala mithla al-akharin. Mais le fait de faire comme les autres, fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarana bi mukhalafat jami' al-adyan wa mukhalafat ghayr al-muslimin. Le prophète, prière et sa sunna, nous a donné les ordres de ne pas faire comme les autres religions et de ne pas faire comme les non-musulmans. Kama qalat al-aya, comme le verset coranique, lakum dinukum waliya din, à vous votre religion et à moi la mienne. وقال صلى الله عليه وسلم الى دي prière et sa ليس منا ما يبقاش مسلم ليس منا من تشبه بغيرنا n'est pas des nôtres celui qui imite les autres. رواه الترمذي, rapporté par l'imam الترمذي. وفي روايه من تشبه بقوم فهو منهم, يكون معهم غدا يوم القيامه. Celui qui imite un autre peuple, il fera partie d'eux, c'est-à-dire il sera avec eux le jour de la résurrection. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Abu Dawud. Fataqlidu dinin akhar haram fil ism bal kufr. Imiter une autre religion que l'islam est interdit en islam, plutôt c'est une mécréance. Wal muqallid li dinin akhar, l'imitateur d'une autre religion, indahu naqs fil iman, il a une carence dans la foi. Naqs fil shakhsiya, une carence dans la personnalité, wa izzat an-nafs, une carence dans la fierté. Wa akbar hayawan muqallid, le grand animal imitateur, huwa al-qird, est le singe. Wa akbar hayawan bila shakhsiya wa la izz, huwa al-khinzir. Et le grand animal qui n'a pas de personnalité à lui, qui n'a pas une fierté, c'est le porc. Wa lamma arada Allah mu'aqabat qawmin min al-aqwam, lorsque Dieu a voulu punir un certain peuple, ja'alahum qiradatan wa khanazir, il les a rendus à l'état de singe et de porc. Wa kana Allah yaqulu lana ya muslimin la takunu bi ahwa'ikum bi muradikum antum qirada wa la khanazir, comme si Dieu nous disait que, ô musulmans, ne soyez pas par votre propre choix des singes ou des porcs. Fal muslim al-haqiqi la yuqallid al-akharin. Le vrai musulman n'imite pas les porcs. Lahu izzatu, n'imite pas les autres. Lahu izzatu, il a sa propre fierté. Al muslim la yajib an yakuna qirdan. Le musulman ne doit pas se transformer en un singe, macaque. La yajib an yakuna khinziran. Il ne doit pas être un porc. وهناك من شباب المسلمين مع الأسف من لا يؤمن بعيد نوئل كعقيدة. Il y a malheureusement parmi les jeunes musulmans ici en France ou en Europe ou en Occident des jeunes qui ne croient pas en la fête de Noël comme croyance. ولكنهم يغتنمون هذه الفرصة. Mais ils profitent de cette occasion. للاحتفال بالمناسبة بالخمور, afin de fêter pendant cet événement l'alcool, al-mukhaddirat, la drogue, al-musiqa wal-raqs, la musique et la danse, wal-haram et l'interdit. La shughla lahum, ils n'ont aucune préoccupation, ils n'ont rien à faire. Yuhibbun al-khawda wal-la'ib ma'a kull man yakhud wa ma'a kull man yal'ab. Ils aiment participer à la fête de tout le monde. Ils n'ont rien à faire. Ils aiment jouer avec toute personne qui veut jouer. قال تعالى, Dieu dit, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. Dieu dit, laissez-les donc à leurs intrigues et à leurs jeux jusqu'à ce que le jour promis vienne pour les surprendre.